ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Président de l'Association du hockey mineur de Robertval, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possibles les activités et merci de nous encourager. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va rejoindre en Floride notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, l'année 2016-2017 dans la Ligue nationale de hockey, ça te dit quoi toi? Ben, la dernière année, écoute, ça a été encore une fois les Pingouins de Pittsburgh qui nous ont impressionnés. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent avec un autre Coupe Stanley, le back-to-back comme ça. Il était amoché, on se le cachera pas. Tu avais des joueurs clés là, quand même qui ont pas été là tout le temps. Fait que c'est sûr et certain que c'était la surprise de la saison, à mon avis, là, de la façon que les Pingouins se sont comportés. Et puis encore cette année, on commence la saison et on se dit c'est impossible qu'ils en gagnent un autre, mais quand t'as des Malkin, quand t'as des Crosby dans ton alignement, c'est difficile de gager contre ces joueurs-là. Écoute, puis Matt Murray également, qui a fait quand même du bon travail devant le filet. Là. Oh, il a été excellent, mais tu as regardé la défensive, le temps n'a pas été là beaucoup là, avec ses blessures. Tu avais des gars là, qui sont sortis de nulle part, qui ont joué de très grosses séries. Tu vois qu'ils sont bien coachés, tu vois que il y a un sentiment d'appartenance qui existe à Pittsburgh, et puis ils ont mis les autres l'emphase sur la vitesse. Alors, c'est une équipe qui est très, très, très rapide, et puis je crois que c'est la mode, c'est ainsi, là, c'est d'avoir des équipes les plus rapides possibles. OK, puis évidemment, puis c'était une belle finale contre Nashville. Puis c'est ça que je disais à Stéphane Lebeau ce matin dans la rétrospective que vous allez entendre la semaine prochaine. Stéphane, je sais que Nashville a quand même eu une bonne. C'est un marché non traditionnel, puis la ville était OK. Là. Ah oui, c'est vendeur hein, pour des États comme ça qui n'est pas nécessairement reconnu pour le sport et le hockey. On sait que Nashville, c'est la capitale du country. Alors, avoir une équipe de hockey qui peut aussi faire tout que les gens avaient pour leur équipe. C'est vraiment vendeur et puis c'est pour les amateurs. OK. Dis-moi maintenant, évidemment, l'année chez le Canadien, c'était quoi? On peut dire que c'est décevant jusqu'à maintenant. C'est très décevant même de ça. Moi, je les avais mis 8e. Je les avais mis sur la fesse. Puis au moment où on enregistre l'entrevue, je pense qu'on est 7 points de retard sur les Bruins de Boston. Ça va être extrêmement difficile, presque impossible. Puis là, il commence sur la côte ouest. Là. Puis les Bruins sont des matchs en main en plus. Ouais, ouais, pour c'est sûr et certain que, écoute, c'est depuis le début de l'été que c'est en montagne russe chez le Canadien. On vit un espoir, on vit une déception. Je crois que le plus gros échec du Canadien depuis la saison estivale, c'est sûr et certain que c'était le non renouvellement du contrat de Markov et puis de pas avoir réussi à s'entendre avec Radulov. Tu sais, si tu regardes le Canadien présentement, c'est des joueurs qui ont perdu gratuitement. Là, c'est pas lors d'un échange ou quoi que ce soit. Alors, rajoute Radulov et rajoute Markov à l'alignement présent du Canadien. On parle pas de la même chose. Là, c'est pas de la même équipe. Alors, c'est sûr et certain que c'est décevant que Bergevin n'ait pas réussi à retenir les services de ces deux joueurs-là. Et puis, on s'aperçoit que le Canadien paye la note présentement. C'était deux joueurs quand même qui apportaient beaucoup à l'équipe. Et puis, comme je t'ai dit, des pertes pour rien, c'est ça qui fait mal. T'sais, c'est sûr et certain qu'on a perdu un Sergachev. On est allé chercher un Drouin. Alors, tu sais, t'es pas perdant à 100%. Non. Mais là, avec ces deux pertes-là, c'est sûr et certain que ça change complètement la dynamique de ton équipe. Et puis, ça va être difficile pour le Canadien là, de faire les séries. Puis aussi, ça va être très, très difficile. Ce qui a également marqué l'année 2017 chez le Canadien, c'est le contrat de Carey Price. 8 ans, c'est 80 millions, en tout cas. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup, beaucoup. Mais il était comme pogné dans... Il avait quasiment pas le choix, dans le fond. Là. Hein? Ben non, c'est sûr que Price était en force là, dans ces négociations-là. Le Canadien, imagine-toi là, s'il y avait en plus pas réussi à re-signer, c'est plus que là, on perd Price éventuellement. T'sais, c'est de tout défaire ton équipe au complet. Là. Alors, le marché est rendu à ce prix-là, pouvoir avoir la qualité... d'un gardien de but de la trame d'un Carey Price, c'était le prix à payer. Et puis, le Canadien était dans une impasse là-dessus. Et puis, regarde-moi, je vois pas ça comme la grosse déception là, d'avoir signé Price à un si gros contrat. Mais c'est certain que Price va devoir en donner un peu plus que ça parce que présentement, c'est pas un gardien qui goal pour... Marc, évidemment, l'année également 2017, ça a été une année, une décision importante concernant, pour la première fois depuis 1994, les Olympiques, les joueurs de la Ligue nationale de hockey, ce ne sera pas des joueurs de la Ligue nationale. J'ai l'impression, puis on a vu ça sur les partout après ça, j'ai l'impression que on prenait ça pour de l'acquis du côté de la convention, du côté de l'association des joueurs. Puis lors de la prochaine convention collective, la renégociation, ça va être un cheval de bataille. Puis moi, j'ai l'impression qu'on va être de retour en Chine. C'est drôle, hein? Ben moi, je trouve ça ridicule là, que les joueurs de la Ligue nationale ne soient pas là. Là. Je comprends là, qu'on veut éviter peut-être côté blessure des joueurs, du côté des organisations, mais quand même, là, tu dois aller représenter ton pays et puis tu dois y aller avec la meilleure équipe possible, avec les meilleurs joueurs possibles. C'est quand même là rien enlevant la Coupe Stanley là, qui est un événement qui est unique. Gagner une Coupe Stanley, ça arrive pas souvent. Mais les Olympiques, c'est les Olympiques. Là, c'est quand même l'événement majeur mondialement, tout sport confondu. Alors, c'est sûr et certain que de là empêcher les joueurs, les meilleurs joueurs de chaque pays d'aller représenter leur pays, justement, je trouve que c'est une jambette au sport, et puis c'est une jambette aussi aux joueurs, à l'association des joueurs et à la Ligue nationale également. Puis surtout qu'on veut percer le marché asiatique, pas pour avoir une concession, mais pour vendre la produits dérivés, vendre des contrats de télévision. Les deux, tu sais, la Corée du Sud, pour le décalage horaire, c'était pas évident. Par contre, pour là-bas, pour vendre des produits, c'était l'idéal. C'est sûr qu'on va avoir des matchs Canada-États-Unis à 4h du matin, mais les gens se seraient levés, pour Sidney Crosby, mais ils ne se lèveront pas nécessairement pour Ben Scriven. Exact. Pour les codes d'écoute, ça va sûrement avoir un impact là, pour les Olympiques, mais moi, au-delà de ça, pour moi, c'est au-delà de vouloir vendre la Ligue nationale ou de vouloir vendre des produits dérivés. Moi, c'est pour la fierté qu'un joueur peut avoir de représenter son pays dans un événement mondial comme les Jeux olympiques. C'est unique. Ça. Moi, je sais qu'avoir été un joueur, puis ça aurait été ma seule chance peut-être d'aller aux Olympiques cette année, puis qu'on m'enlève cette opportunité-là, puis ça ne se reproduira plus dans ma carrière. Je serais déçu en tabarouette là, de ne pas avoir eu la chance d'aller représenter mon pays. Alors, moi, c'est de ce côté-là que je suis déçu que la Ligue nationale ait pris cette décision-là. Las Vegas également, ça c'est l'arrivée. Comment tu as trouvé ça? Ben, j'étais impressionné. Honnêtement, j'étais impressionné. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord d'avoir du hockey. Si on peut aller vendre le hockey au Nevada, numéro un, je crois qu'ils ont eu un bon plan marketing. Là, ils semblent vendre le hockey solidement. L'équipe va bien. Gérard Gallant fait un travail extraordinaire. Mais tu sais, c'est sûr et certain pour nous, c'est un irritant de voir ces décisions-là prises parce que on sait qu'à Québec, on est prêt à avoir une équipe. On espère avoir une équipe le plus rapidement possible. Gary Bettman semble s'entêter à vouloir donner une concession à Québec. On semble jouer sur les divisions, le débalancement. On invente un peu, c'est du n'importe quoi. Là, on a Seattle qui arrive de nulle part, qui ne sont même pas prêts à recevoir une équipe et on semble prêt à leur donner une équipe avant Québec. Alors, tu sais, c'est de l'entêtement mal placé, je trouve, de la part de Bettman et des dirigeants de la Ligue nationale d'empêcher Québec de revoir une équipe. Ben, c'est clair. Puis, ils ont jamais été vraiment, là. Je me demande si on a déjà passé proche à quelque part. Tu sais, on ne saura jamais. Peut-être qu'on va le savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la Ligue nationale pense. On pense même qu'à Montréal, il ne serait pas trop... Moi, je pense que ça aide beaucoup. Effectivement, c'est un irritant. Quelque part, écoute, c'est une question de logique. On te demande de séparer la tarte. Quand tu as la tarte seule, tu vas-tu la séparer? C'est sûr et certain que, tu sais, Bettman non plus, je crois pas qu'il prend des décisions tout seul. Il y a les gouverneurs des 30 équipes qui s'assoient à la table, probablement, qui en discutent, qui prennent cette décision-là. Alors, c'est un peu tout le monde là, qui ont l'air de tasser la ville de Québec et le retour des Nordiques là, du revers de la main, mais qu'est-ce que ça va donner? On se souhaite tous que ça revienne un jour et le plus tôt possible, mais... Ça semble pas être le cas pour l'instant. OK, Marc, si vous permettez, on va faire une pause. Je veux te garder pour qu'est-ce qui s'en vient en 2018. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de la Ligue nationale de hockey avec Marc Fortier. BR Metal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Metal est un employeur important dans le milieu puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Metal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On est retour à danradiosport.com. Marc, l'année 2018, comment tu vois ça chez le Canadien? Je pense que c'est un voyage, c'est sûr qu'on va voir ce qu'on a enregistré cette entrevue, le Canadien dans l'ouest du pays. C'est un voyage, on est à 7 points, je pense que c'est déjà, les carottes sont cuites, peu importe. Penses-tu que Marc Bergevin, d'ici un mois ou deux, va être vendeur? Et est-ce que son poste est en danger? Ben écoute, le poste de l'entraîneur et le poste du directeur gérant est toujours en danger. Malheureusement, on est souvent évalué par rapport à la victoire et à la défaite. Alors, c'est sûr que présentement, Marc Bergevin, son poste est peut-être plus en danger que l'année passée ou il y a deux ans. Mais est-ce que c'est assez pour qu'il soit congédié? Je suis pas convaincu non plus, parce qu'il faut pas oublier que Marc a un contrat jusqu'en 2022. Ouais. C'est quand même beaucoup d'argent d'impliquer dans ça. Claude Julien vient de signer un contrat de 5 millions par année pendant 5 ans, 25 millions. Alors, avant qu'on en vienne à cette décision-là, je crois que Marc va avoir le mandat d'essayer d'améliorer son équipe jusqu'à la date limite des transactions. Et puis, c'est sûr et certain que je ne serais pas surpris là, qu'il se passe quelque chose dans les prochaines semaines. Est-ce que Marc Pacioretty pourrait être le joueur? Parce que lui, moi, je pense que... Ben, Max Pacioretty peut être un joueur l'année. Ouais. Tous les joueurs peuvent être des joueurs, mais ça dépend qu'est-ce que tu as en retour. Si tu échanges Pacioretty 4,30 sous pour une pièce, ça te donne rien. Alors, parce que là, si tu enlèves un gros morceau, il faut que tu ramènes un gros morceau. Alors, est-ce que la solution, c'est d'échanger Pacioretty? Je pense pas. Mais, tu sais, je veux dire, ça va pas bien. Tu regardes, là, tu regardes à Laval, l'équipe à 12. Fait 12, ouais, ils ont gagné une ou deux dans les 15 dernières. Ouais. La relève ne semble pas là chez le Canadien. À Montréal, on se cherche. Ça va, c'est pas dans une bonne passe là, pour le Canadien. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est on fait encore du patchage, puis on essaie d'aller chercher des joueurs pour nous améliorer en donnant des joueurs au pêchage? Non. Ou bien on se dit, garde, on n'a pas le choix, faut reconstruire chez les Canadiens, on n'échangera pas nos choix, on va peut-être se départir justement de gros joueurs pour aller chercher peut-être plusieurs autres choix au repêchage et repartir à zéro. Est-ce qu'on en est là? Je ne sais pas, mais je sais que c'est quasiment jamais vu ça à Montréal, parce que les amateurs n'accepteront pas de voir le Canadien dans les bas fonds du classement pendant 3-4 ans, le temps de reconstruire la concession. Alors, c'est pour ça que c'est un plancher qui est très, très glissant pour Marc Bergevin et pour toute l'organisation du Canadien, parce que on peut peut-être pas se permettre de faire ce que Edmonton ont fait, ce que Pittsburgh ont fait, ce que Toronto ont fait, ce que Chicago ont fait avant de devenir des puissances du hockey, c'est-à-dire de finir dans les derniers ans pendant 3-4 ans. OK. Moi, je suis pas tout à fait de ton avis là-dessus. Moi, je pense que le temps est venu. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. C'est sûr que c'est pas gage de succès, par contre. On regarde les Oilers de Edmonton. Quelle déception! Lorsqu'on parle de déception dans la Ligue nationale, là, écoute, tous les experts les voyaient, c'était no contest, c'était les Oilers en finale de la Coupe. Puis là, s'ils se classent pour les séries, ça va être beau. C'est toute qu'une déception là-bas à Edmonton. Là. C'est une déception, mais là, on va vite. Là. On voudrait que McDavid soit à maturité déjà. On voudrait qu'il ait traîné l'équipe à lui seul. Ça ne fait pas un claquement de doigts. Là. Ils ont quand même pris de grosses décisions pour l'organisation. Ils ont quand même échangé Hall. Yakupov, je pense que c'est une bonne décision. Mais Eberle, c'est quand même un joueur qui faisait partie du moule des Oilers. Alors, ils sont loin. Je trouve que dans les buts, même si Cloutier est pas si pire que ça, c'est pas un joueur, un gardien de premier plan. Yeah. Ils ont des lacunes en défensive. C'est sauter vite aux conclusions de penser que les Oilers sont des conquérants pour la Coupe Stanley. Mais il y a d'autres beaux modèles à suivre. Puis moi, je suis d'accord, Danny. Moi, je crois que pour avoir une équipe aspirante à la Coupe Stanley, il faut que tu repartes à zéro, il faut que tu rebâtisses ton équipe avec des choix. Mais qu'est-ce que je dis, moi, c'est qu'à Montréal, ça passera pas. Ça passera pas. Les amateurs n'accepteront jamais que le Canadien le fasse. Mais il faudrait le faire. Regarde, Toronto, on disait la même affaire de Toronto. Mais on disait, Toronto, avec le marché qu'ils ont, c'est quand même un des plus gros marchés de la Ligue nationale. Les amateurs n'accepteront pas que les Maple Leafs aillent dans les bas-fonds pour se rebâtir. Et ils l'ont fait. Mais on a vu pendant longtemps là, des gens avec des sacs de papier sur la tête aller au match. Puis de lancer leur gilet des Maple Leafs sur la glace après une autre défaite. Mais aujourd'hui, est-ce que les amateurs de Toronto sont contents de leur équipe? Je crois que ils sont plus que contents, mais il y a une souffrance à devoir passer à travers lorsqu'on veut avoir ce résultat-là. Mais moi, là, on en a parlé souvent, la plus grande déception, je l'ai dit à peu près 400 fois cette année, puis je te l'ai dit à toi, je te l'ai dit à Stéphane, la plus grande déception, c'est pas d'avoir été chercher un gros joueur de centre. Tu sais, c'est facile de dire ça assis dans le salon, là. Même Marc, t'étais directeur général, tu sais comme moi, tu sais encore bien plus que moi. C'est facile de dire, je changerais tel pour un tel, puis c'est pas ça. C'est de n'avoir rien fait, aucun changement dans le système de développement, aucun changement dans le système de recrutement. Tu l'as dit, les Rockets, ont 12 défaites dans les 13 derniers matchs. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas parler plus que ça. Ça peut pas parler plus que ça. Puis non seulement il n'y a pas fait de changement, mais il y a même eu des promotions. Moi, c'est ma plus grande déception. Tu sais, ça, il aurait pu apporter des changements, là. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Danny. Je l'ai dit aussi auparavant. Je suis très surpris que Trevor Timmons soit encore là. Et même si c'est un ami, je suis surpris que Sylvain Lefebvre soit encore en poste avec le Rocket. C'est parce que on dit que ce sont des postes de siège éjectables. Ben oui. Hein? Lorsqu'on est entraîneur, lorsqu'on est directeur gérant, on est dépisteur-chef, c'est un siège éjectable. Et le passé du Canadien nous démontre que le bouton aurait dû être pressé là, sur une coupe de siège. Là. Alors, oui, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi que Marc aurait pu prendre des décisions différentes, mais les décisions n'ont pas été prises. Alors, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va payer la note, et puis ce sera à voir dans le futur. OK. Marc, en terminant, je sais pas si tu es au courant, mais à Québec actuellement, je suis sûr que tu es en Floride, le maire Labeaume, la semaine dernière, a fait une conférence de presse pour dire qu'il y aura 5 statues devant le centre Vidéotron. Il y en a une, c'est Jean Béliveau. Il y en a un autre que c'est un joueur dans l'Association mondiale. En tout cas, puis il y en a deux autres. Puis il y aura une statue pour un joueur des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Ça, ni plus ni moins, ça veut dire le meilleur joueur de l'histoire des Nordiques dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est Peter Stachny? Moi, c'est mon choix, en tout cas. Ben, écoute, moi, j'ai vu l'article, Danny. Il montrait, entre autres, 5 joueurs, là, qui avait le potentiel là, d'être parmi les statuts, dont Peter Stachny, Michel Goulet, Dale Hunter, Joe Sakic et Alain Côté. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec les 4 des 5. J'ai pas eu la chance de jouer avec Hunter, mais les 4 autres, j'ai eu la chance de jouer. J'ai été vraiment impressionné par Joe Sakic là, dans les années avec les Nordiques. Moi, j'étais plus sur la fin de carrière de Peter Stachny et Michel Goulet. Et même si j'ai adoré Sakic, même si c'est un joueur qui m'a marqué, Danny, je crois que on ne peut pas passer à côté de Peter Stachny comme le joueur qui aura marqué les Nordiques de Québec. C'était Monsieur Nordique, c'était le joueur, c'était l'âme de l'équipe. On nous souvent parlé d'âme avec Dale Hunter, mais je crois que quand on parle de l'âme de l'équipe, Monsieur Nordique, c'est Peter Stachny, à mon avis. Je veux pas manquer de respect à aucun autre des candidats. C'est tous des bons candidats, je pense, mais pour moi, mon choix serait Peter Stachny. Ouais, effectivement, moi aussi, c'est ça. Marc, il me reste qu'à te remercier encore une fois de ta précieuse collaboration aux 2-3 semaines. Ça fait fort agréable, c'est pas mal de fun. Merci, puis je suis bien choyé de t'avoir, comme collaborateur depuis plusieurs années. Profite bien de tes vacances parce qu'au moment où on va mettre l'entrevue en ligne, ça va recommencer bientôt le calendrier de la Ligue junior majeure du Québec. Puis au plaisir de te parler, encore une fois, en 2018. Ben, ça fait toujours un immense plaisir et puis je souhaite une bonne nouvelle année à tous tes auditeurs et puis on espère avoir une belle saison de sport en 2018. Ouais. Marc Fortier, collaborateur hockey.